Actes chapitre 25. Festus donc étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Et le souverain sacrificateur, et les premiers d'entre les Juifs, comparurent devant lui contre Paul, et il pria Festus, et lui demandait cette grâce contre Paul, qu'il le fit venir à Jérusalem, car ils avaient dressé des embûches pour le tuer par le chemin. Mais Festus leur répondit, que Paul était bien gardé à Césarée, où il devait retourner lui-même bientôt. C'est pourquoi, dit-il, que ceux d'entre vous qui le peuvent faire, y descendent avec moi, et s'il y a quelque crime en cet homme, qu'il l'accuse. Et n'ayant pas demeuré parmi eux plus de 10 jours, il descendit à Césarée, et le lendemain il s'assit au siège judicial, et il commanda que Paul fût amené. Et comme il fut venu là, les Juifs qui étaient descendus de Jérusalem, l'environnèrent, le chargeant de plusieurs grands crimes, lesquels ils ne pouvaient prouver. Paul répondant qu'il n'avait péché en rien, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. Mais Festus voulant faire plaisir aux Juifs, répondit à Paul, et dit, « Veux-tu monter à Jérusalem, et y être jugé de ces choses devant moi ?» Et Paul dit, « Je comparais devant le siège judiciaire de César, où il faut que je sois jugé, je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le connais toi-même très bien. Que si je leur ai fait tort, ou que j'ai fait quelque chose digne de mort, je ne refuse point de mourir, mais s'il n'est rien de ce dont ils m'accusent, personne ne me peut livrer à eux, j'en appelle à César. » Alors Festus ayant conféré avec le conseil, lui répondit, « En as-tu appelé à César, tu iras à César. » Or, quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice, arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Et après avoir demeuré là plusieurs jours, Festus fit mention au roi de l'affaire de Paul, disant, « Un certain homme a été laissé prisonnier par Félix, sur le sujet duquel, comme j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs, et les anciens des Juifs sont comparus, sollicitant sa condamnation. Mais je leur ai répondu que ce n'est point l'usage des Romains de livrer quelqu'un à la mort, avant que celui qui est accusé ait ses accusateurs présents, et qu'il ait lieu de se défendre du crime. Quand donc ils furent venus ici, sans que j'usasse d'aucun délai, le jour suivant, étant assis au siège judicial, je commandai que cet homme fût amené. Et ses accusateurs étant là présents, il n'avait guère aucun des crimes, dont je pensais qu'il l'accuserait. Mais il avait quelques disputes contre lui touchant leur superstition, et touchant un certain Jésus mort, que Paul affirmait être vivant. Or, comme j'étais fort en peine pour savoir ce que c'était, je demandai à cet homme s'il voulait aller à Jérusalem, et y être jugé de ces choses. Mais parce qu'il en appela, demandant d'être réservé à la connaissance d'Auguste, je commandai qu'il fût gardé jusqu'à ce que je l'envoyasse à César. Alors Agrippa dit à Festus, « Je voudrais bien aussi entendre cet homme. » « Demain, dit-il, tu l'entendras. » Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice étant venus avec une grande pompe, et étant entrés dans l'auditoire avec les tribuns, et les principaux de la ville, Paul fut amené par le commandement de Festus. Et Festus dit, « Roi Agrippa, et vous tous qui êtes ici avec nous, vous voyez cet homme contre lequel toute la multitude des Juifs m'est venue solliciter, tant à Jérusalem qu'ici, criant qu'il ne le fallait plus laisser vivre. Mais moi, ayant trouvé qu'il n'avait rien fait qui fût digne de mort, et lui-même en ayant appelé à Auguste, j'ai résolu de le lui envoyer. Mais parce que je n'ai rien de certain à en écrire à l'empereur, je vous l'ai présenté, et principalement à toi, roi Agrippa, afin qu'après en avoir fait l'examen, j'ai de quoi écrire. Car il me semble qu'il n'est pas raisonnable d'envoyer un prisonnier, sans marquer les faits dont on l'accuse.